un sauvetage. Ils avaient joué à des jeux d'hiver. Aux billes d'abord, mais comme Camus et Lebrac avaient perdu beaucoup et qu'ils étaient autant dire panés, puisqu'il ne leur en restait plus que deux ou trois à chacun, on ne put continuer. Alors on joua aux voleurs. Camus et Lebrac, ainsi que Tintin, furent les gendarmes, alors que Bouleau, qui avait gagné 12 billes, Tétas, qui en avait gagné 8, et Grand Gibus, qui n'avait rien fait, devaient représenter les voleurs. Sous le porche de l'église qui simulait une maison, des cailloux qui figuraient des trésors, ou des lapins, on ne sut jamais, furent disposés en tas. Ensuite de quoi, les trois gendarmes s'éloignèrent vers la droite et les trois voleurs se retirèrent vers la gauche. Dès que les cognes eurent disparu au premier contour, Bouleau, Tétas et Grand Gibus, en se rasant, revinrent à l'église pour remplir leurs poches de butin, tandis que les trois gendarmes, frisant d'imaginaires moustaches, s'amenaient à leur tour en se dandinant et en flairant le vent comme trois renards. « Brigadier, vous avez raison, » dit Lebrac à Camus, qui n'avait pourtant émis aucune idée. « Il me semble que ça bouge par là-bas, et c'est pas naturel. » « C'est des voleurs, » conclut Tintin. « En avant !»« Ah, tas de salauds, attendez !» s'exclama le trio en s'élançant. Les trois voleurs, les poches alourdies de cailloux, prirent la fuite aussitôt, tout en donnant les signes les plus manifestes d'une vive terreur. La justice, avec frénésie, poursuivit le crime. Chacun des agents de la force publique s'était attaché spécialement à un bandit, et bientôt, ainsi qu'il doit en être dans une république bien policée, les trois chenapans, embarrassés du produit de leur vol, furent appréhendés vigoureusement. « Misérables, voler de l'argent !»« Canaille, prendre les poules des gens !»« Crapules, barboter du linge dans les ormoires !»« Non, c'est pas du jeu !» protestait Bouleau à Lebrac. « Tu tapes trop fort et tu pinces. Les gendarmes, ils n'ont pas le droit de battre les voleurs. Je veux plus être voleur, si c'est comme ça, na. Je veux être gendarme et je t'en foutrai moi aussi. » « Rends l'argent !» insistait Lebrac en fouillant les poches. « Mais chippe pas mes billes, hein !»« C'est jamais que les miennes !»« Les tiennes, t'en as du toupet. Je les ai pas gagnées, peut-être. Mais si c'est pour ça que tu me bats, dis-le. D'abord, je ne joue plus, na. » Tétas, qui avait sans doute à se plaindre de procédés aussi violents, se rebellait non moins énergiquement entre les mains de Camus. Seuls Tintin et Grand Gibus, tout essoufflés de leur course, riaient à pleine bouche en se disputant. « Tu veux pas les rendre, non ?»« Non. Eh bien, fous-toi-les quelque part, tes cailloux. » Les émotions de ce jeu violent étant épuisées, on en chercha un autre, les deux groupes ennemis s'étant tout de même réconciliés. Les hasards de la course, qui avait été assez longue, les avaient amenés hors du village, non loin du creux, une espèce de mare située à quelques 100 mètres de la grande route, derrière une large haie. L'attrait de l'eau, magique sur les gosses, les décida à s'y rendre malgré la défense familiale. « Va-t-on voir s'il y a des rainettes ?» proposa Tintin. « On leur foutra des cailloux, » insinua Grand Gibus. Et les poches bourrées de projectiles choisis, ils se dirigèrent vers l'étang. Dès qu'ils arrivèrent à la haie, et quelques précautions qu'ils prissent pour ne pas faire de bruit, il y eut immédiatement une douzaine de plongées batraciennes qui retentirent en flocs sonores. « Les vaches !» s'exclama Tétas. « Elles se cavalent dans l'eau, pas moyen d'en chauffer une. » Bientôt, en effet, les six gosses arrivés devant les roseaux de la rive et écarquillant les yeux, ne virent que l'eau ensoleillée, mais point de rainette. Ils voulurent alors faire le tour de la mare, et à la queue-leu-leu s'avancèrent. Mais à chaque pas, un plongeon nouveau, à quelques mètres plus loin, les prévenait qu'ils venaient encore de troubler le sommeil d'une petite grenouille verte aventurée sur la rive. Ils s'en énervèrent, s'accusant réciproquement. « Tu les épouvantes aussi, tu marches trop fort. »« C'est pas vrai. »« Eh ben, passe le premier, tu verras, toi. » »« J'en vois une, » souffla Bouleau, comme figé, et coupant fort à propos la querelle commençante. « Où donc ?» s'exclamèrent-ils tous, en sourdine. « Là, là, près de cette grande feuille, » dit-il en montrant du doigt. « Tapez pas, vous autres. » ordonna Camus aux camarades qui prenaient déjà leurs cailloux. « J'ai ma fronde, je vais y foutre. » Les cinq moutards, les yeux rivés sur la rainette, s'immobilisèrent, tandis que Camus, avec une lenteur et des précautions inouïes, sortait de sa poche sa fronde élastique. Il choisit avec un soin méticuleux son plus beau caillou, qu'il plaça dans le cuir du lance-pierre. Puis, une jambe en avant, l'autre en arrière, le buste cambré, il tendit les élastiques. « Vise bien, » recommandait le braque. « Si tu la manques, tu la reverras pas de sitôt. » Sans répondre, l'œil gauche fermé, un peu pâle, Camus, en faisant « Eh oh !» lança la pierre et poussa un cri de triomphe cinq fois répercuté. « Touché !» La rainette, atteinte en plein flanc, écartait les pattes et ouvrait la gueule en montrant son goitre blanc. « Faut l'attraper !» proposa le braque. « Avec une perche, on l'amènera tout doucement jusqu'au bord, ensuite de quoi on la déculottera et on la fera cuire sur la braise pour la boulotter. » La proposition rallia tout le monde, et l'on se mit en devoir d'en réaliser l'exécution. On coupa des baguettes, et l'on chercha des perches légères. Mais aucune ne se trouva être assez grande pour atteindre la grenouille, qui bâillait toujours la gueule ouverte sur sa feuille de nénuphar. « On peut pourtant pas la laisser là, » rageait le braque. « Ce serait pas la peine de l'avoir tuée. Je vais me déchausser et aller la prendre. »« C'est peut-être trop profond, » insinua Tintin, plus prudent. « Tant pis, va, laissons-la, et attendons-en une autre. »« Jamais de la vie, » répliqua le braque qui tenait à son idée. « Mesurez voir la profondeur. » Un bâton trempé à 1 mètre de la rive n'accusa qu'un fond d'un bon demi-pied. « C'est rien, » constata le gosse en ôtant ses souliers et ses bas. Et il replia ensuite jusqu'au haut des cuisses, en quintuple bourrelet, son pantalon, tout en affirmant « Jamais ça montera si haut. » Pourtant, sur le conseil de Bouleau, il ôta tout de même sa chemise pour ne pas en mouiller les manches, et il entra dans l'eau. Après 4 ou 5 pas prudents, comme le liquide lui montait à peine à mi-jambe, enhardi, il avança plus rapidement, l'œil rivé à la grenouille. Mais au 7e pas qu'il fit, il enfonça brusquement de 10 à 15 centimètres, et ses genoux furent submergés. Au 8e, l'eau touchait à son pantalon et lui arrivait au ventre. Toutefois, il n'était plus qu'à 2 mètres de la rainette. Il hésita. Mais ce n'était pas la peine d'avoir parcouru pour rien tout ce trajet. Mouillé pour mouillé, tant pis, il aurait au moins son gibier. Encore 2 ou 3 pas et en étendant le bras. Mais l'eau soudain lui monta à la poitrine et il sentit que ses pieds n'étaient plus sur le dur, qu'ils s'enfonçaient dans quelque chose de mou et de tiède, dans la vase du fond sans doute, et que petit à petit, ça semblait le tirer par en bas. L'eau, autour de lui, avait des glougloutements sinistres, et des bulles de gaz venaient crever sous ses aisselles. « Reviens, reviens !» criaient les camarades. « Reviens vite !» Le braque, aux 3/4 enlisé, céda à leurs appels et voulut tourner bride. Impossible. Ses extrémités inférieures jusqu'à mi-jambe étaient prises, et il enfonçait toujours, toujours. Lentement. L'eau atteignait les épaules. Il pâlit un peu, puis tentant un effort désespéré, réussit à dégager un pied, tandis que l'autre restait prisonnier de la glu mouvante et fétide des profondeurs. Tournant sur le tronc, il fit tout de même demi-tour en reposant le pied libre. Mais pendant qu'il dépêtrait l'autre, le premier se réenfonçait de nouveau, de sorte qu'il déployait de surhumains efforts à patauger sur place, de l'eau jusqu'au cou, tandis que les amis criaient toujours comme des fous. « Le braque ! Le braque ! Le braque, viens-t'en » Grand Gibus, le premier, reprit un peu son sang-froid, s'exclamant. « Faut le retirer, déshabillons-nous et on fera la chaîne. »« Mais il est trop loin, trop loin ! Mon Dieu, mon Dieu !» pleurait Tintin. « Et nos ficelles !» reprit Grand Gibus en tapant sur ses poches. « Vite, vite !» Et prestement doublées, les ficelles qui devaient servir l'heure d'avant à ligoter les voleurs furent nouées bout à bout en un clin d'œil. On jeta ce lien à le braque qui le manqua à 2 reprises, puis réussit enfin à en saisir l'extrémité. « Tiens bon !» lui cria-t-on. Et les 5 camarades, faisant la chaîne en s'empoignant par le milieu du corps, tirèrent sur Grand Gibus qui avait enroulé la cordelette autour de son bras. Le braque fut décollé de la vase, et fit un grand pas vers la rive, quand la ficelle cassa net et il se mit à enfoncer de nouveau, sans songer, hypnotisé par on ne sait quoi, à avancer vers le bord. le danger renaissait. « La perche, une perche !» reprit Grand Gibus qui ne perdait plus le nord. Camus, parmi celles qu'on avait arrachées à une clôture voisine, choisit la plus longue et la plus solide, et on l'attendit à l'Enlisée, dont les yeux ronds semblaient vouloir sortir des orbites. Il s'y agrippa désespérément, et les cinq sauveteurs, se cramponnant comme ils pouvaient à l'autre bout, amenèrent enfin, à plat ventre, au rivage, le malheureux pêcheur de grenouilles. On découvrit alors la raison pour laquelle il était resté si bêtement en panne, lui le débrouillard, quand la ficelle avait cassé. Son pantalon dans l'aventure s'était déboutonné, et ayant glissé au bas de ses jambes, il n'avait d'autre ressource pour ne pas s'en séparer à jamais que de croiser ses pieds ou d'écarter les pattes, ainsi que la rainette elle-même. Ce fut dans cette posture batracienne qu'il aborda. « Steven, s'exclama-t-il en touchant terre, si je l'avais laissé là-dedans, qu'est-ce que j'aurais pris en rentrant chez nous ?»« Je vais t'ordonner 5 billes, » fit Bouleau, très ému. « On va te le laver, mon vieux, » reprirent les autres, qui du même coup, puisant à l'aide d'une vieille casserole trouvée fort à propos, lessivèrent à grande eau le rescapé. Et pendant que le pantalon séchait au soleil sur la haie, le braque faisait, en crachant par terre, jurer à ses amis que pas un d'entre eux ne parlerait de l'affaire au village. « Comme ça, » conclut-il, « je recevrai qu'une simple pile